Chapitre 2. Hortense voulait passer outre, mais Chichite, une de ces gaillardes qui n'ont pas froid aux yeux, lui barra le chemin. « Sacré payse, tu as eu de la chance, toi. Tu viens d'être aidé. Qu'est-ce que tu paies ?» Hortense, qui n'avait pas mauvais caractère, ne se fâcha pas tout de suite. « Tu te trompes, ma fille. Je n'ai pas fait un sou, » répondit-elle avec douceur. Sans être plus fausse ni plus ladre qu'une autre, Hortense n'avait qu'une idée. Éviter la tuile, se débarrasser n'importe comment de cette gouape de Chichite, et, sans perdre de temps, se remettre au travail. Toute lancée qu'elle était, elle voulait fermement rester sérieuse. Que diable, on n'est pas en veine tous les jours. Tantôt, en se tirant les cartes, elle avait vu ça. Tous les trèfles étaient sortis. Aussi, maintenant qu'elle avait gagné de quoi payer sa chambre, ce serait bien sot à elle de ne pas faire le même soir son costume neuf et, qui sait, peut-être son chapeau. « Pas un sou, affirma-t-elle avec aplomb. J'ai pas même dîné. » Y apercevant à quelques pas la baraque d'une marchande de limonade fraîche, de coco, de sucre, d'orge, elle eut la présence d'esprit d'y courir. « Avez-vous un morceau de viande, madame la marchande ?» Chichite arrivait furieusement sur les talons de Hortense. Tout ça, c'était de la frime. On ne la lui faisait pas. Encore si elle ne l'avait pas vue grimper en voiture avec le Pékin chic. Car à coup sûr, celui-là n'était pas un poseur de lapin. Entre camarades, se monter ainsi le coup n'était pas honnête. Et comme l'autre faisait encore mine de détaler, Chichite la saisit par le bras, en vociférant. « Un cognac, tout de suite un cognac. Ma payse vous le paiera, madame la marchande. Moi, je n'ai pas un rond. »« Tu n'as pas le rond, fit Hortense, à bout de patience. Zut, à la fin, faut pas t'en donner à ton Gustave. Et tu auras aussi de la galette. » Et elle dégagea violemment son bras. Cela se gâtait. Elles avaient autant bu l'une que l'autre. À leurs éclats de voix, venaient d'accourir 7 ou 8 filles, lasses de rôder inutilement dans les allées peu fréquentées. Les lazis et les rires de cette galerie envenimèrent la querelle. « Et si je l'aime, moi, Gustave, et s'il me plaît de lui en donner, alors... »« Alors merde, pour toi et pour lui. »